الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Continue la lecture et la traduction du livre تيسير العلام شرح عمدة الأحكام de l'imam du Cheikh Abdul Ghani Al-Maqdisi رحمه الله et une explication de Cheikh Abd Al-Bassam رحمه الله تعالى. La semaine dernière on avait commencer l'explication du hadith de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, le hadith 175, qui nous le récite. Tadalakh. فأفطروا فاقدروا له فإن غم عليكم فاقدروا له بارك الله فيك. طيب, et on s'était arrêté à la divergence des savants sur la vision de la lune et les jugements qui en découle. ثم قال المؤلف ما يؤخذ من الحديث. أولا إن صيام شهر رمضان معلق برؤية الناس أو بعضهم للهلال. ورد ابن دقيق العيد تعليق الحكم به على حساب المنجمين. وبين الصنعاني أنه لو توقف الأمر على حسابهم لم يعرفه إلا قليلا من الناس والشرع مبني على ما يعرفه الجماهير. ثانيا وكذلك الفطر معلق بذلك. ثالثا أنه إذا لم يرى الهلال لم يصوموا إلا بتكميل شعبان 30 يوما وكذلك لم يفطروا إلا بتكميل رمضان 30 يوما. رابعا إنه إن حصل غيم أو قطر قدروا عدة شعبان تمام 30 يوما. وقال الصنعاني جمهور الفقهاء وأهل الحديث على أن المراد من فقدروا له إكمال عدة شعبان 30 يوما كما فسره في حديث آخر. خامسا إنه لا يجوز الصيام يوم 30 من شعبان مع الغيم ونحوه. Donc ce que l'on retient du hadith d'Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, pour rappel, qui a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire lorsque vous la voyez jeûner, lorsque vous la voyez et lorsque vous la voyez romper, et lorsqu'il y a un obstacle entre vous et elle, alors estimez, faqduru lahu, estimez-le. Et ici, lorsque vous la voyez, c'est-à-dire, ou lorsque vous le voyez à Afwan, c'est le croissant de lune, et estimez-le, faqduru lahu, estimez-le, c'est-à-dire le mois de Sha'ban, si c'est le croissant du début de Ramadan, et estimez-le, c'est-à-dire Ramadan, si vous voyez le croissant de lune de Shawwal. Cheikh Al-Bassam, rahimahullah, dit ce qu'on le retient du hadith, premièrement, que le jeûne du mois du Ramadan est lié à la vision des gens ou de certaines personnes, la vision du croissant de lune. Et Ibn Daqiq ibn al-'Id a répondu et a rejeté le fait de baser le jugement sur les calculs astronomiques. Sur les calculs astronomiques. Et l'imam al-Sanani, rahimahullah, a expliqué que si l'on devait s'en tenir aux calculs astronomiques, eh bien, très peu de gens connaîtraient l'entrée ou la sortie du mois lunaire. Or, la législation est basée sur ce qui est connu de l'ensemble des gens ou de la masse des gens. Effectivement, il est donné à quiconque de voir le croissant de lune. Il suffit d'un peu de connaissance pour savoir à quel moment est-ce que le croissant de lune est visible et d'avoir un minimum de connaissance sur la position à rechercher dans le ciel, savoir est-ce que le croissant de lune sera visible à l'est, à l'ouest, au nord ou au sud. C'est une chose qui est à la portée de tout le monde. Quant au calcul astronomique, si l'entrée et la sortie du mois devaient, on se basait sur les calculs astronomiques, eh bien, il n'y aurait qu'une poignée de personnes qui auraient la possibilité de connaître cela. Deuxièmement, ce que l'on retient, c'est que Al-Fitr, la rupture du jeûne, c'est-à-dire du mois du Ramadan, est également liée à la vision du croissant. Troisièmement, lorsque l'on ne voit pas le croissant de lune, lam yasoum, l'on ne jeûne pas jusqu'à avoir complété le mois de Sha'ban de 30 jours. La même chose, lorsque l'on ne peut pas voir ou lorsqu'on ne voit pas le croissant de lune du mois de Shawwal, l'on ne doit pas rompre le jeûne et l'on doit compléter le mois du Ramadan de 30 jours. La quatrième chose qu'on le retient de ce hadith, que s'il y a des nuages ou autre obstacle qui viendrait empêcher la vision du croissant, alors on doit estimer le mois de Sha'ban à 30 jours. Et l'imam al-San'ani rahimahullah a dit que la majorité des juristes et les gens du hadith sont de l'avis que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, faqdur lahu, estimez-le, c'est-à-dire terminez le mois de Sha'ban de 30 jours, complétez le mois de Sha'ban à 30 jours, comme cela a été expliqué dans l'autre hadith. Et on a vu cette divergence des savants durant le cours dernier. Khamisan, cinquièmement, ce que l'on retient, c'est qu'il est interdit de jeûner le 30e jour du mois de Sha'ban lorsqu'il y a des nuages ou autres qui viennent empêcher la vision du croissant de lune. Et on a vu le hadith la taqaddamu na, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit de précéder le mois du Ramadan en jeûnant un jour ou Naam. Sauf celui qui avait l'habitude de jeûner. Donc ici, également, ce que l'on retient de ce hadith, c'est qu'il est interdit de jeûner le 30e jour de Sha'ban lorsque la vision du croissant de lune n'est pas possible. ثم قال المؤلف رحمه الله الحديث السادس والسبعون بعد المئة le 176e حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة رواه البخاري ومسلم. Selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, faites le sahour, car il y a dans le sahour la bénédiction, car il y a dans le sahour une bénédiction. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Al-Gharib, sahour bi fathi sin ma yutasahharu bih, wa bi dhammiha al-fi'lu. والبركة مضافة إلى كل من الفعل وما يتسحر به جميعا. Ce qui mérite explication dans le hadith, le terme sahour, lorsqu'il y a une fatha sur le sin, c'est ce que l'on mange dans le sahour. Donc, as-sahour, c'est ce avec quoi on fait le sahur, c'est-à-dire la nourriture ou ou la boisson. وبضمها, et lorsque l'on dit suhur, c'est l'acte. C'est le fait de faire le sahur. Le fait de faire le sahur. Comme al-wadu et al-wudu. Al-wudu, c'est al-fi'l. C'est l'acte de faire les ablutions. Et al-wadu, c'est ce avec quoi on fait les ablutions, c'est-à-dire l'eau. Wal-baraka, et la bénédiction dans ce hadith, elle est liée à la fois à ce avec quoi on fait le sahur et au sahur en soi. C'est-à-dire, la nourriture et la boisson est bénie, mais aussi l'acte de faire le sahur est béni. المعنى الإجمالي للحديث يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسحر الذي هو الأكل والشرب وقت السحر استعدادا للصيام ويذكر الحكمة الإلهية فيه وهي حلول البركة والبركة تشمل منافع الدنيا والآخرة فمن بركة السحور ما يحصل به من الإعانة على طاعة الله في النهار فإن الجائع والظامئ يكسل عن العبادة ومن بركة السحور أن الصائم إذا تسحر لا يمل إعادة الصيام خلافا لمن لم يتسحر فإنه يجد حرجا ومشقة يثقلان عليه العودة إليه ومن بركة السحور الثواب الحاصل من متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام ومن بركته أيضا أن المتسحر يقوم في آخر الليل فيذكر الله تعالى ويستغفره ثم يصلي صلاة الفجر جماعة بخلاف من لم يتسحر وهذا مشاهد فإن عدد المصلين في صلاة الصبح مع الجماعة في رمضان أكثر من غيره من أجل السحور ومن بركة السحور أنه عبادة إذا نوى به الاستعانة على طاعة الله تعالى والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم ولله في شرعه حكم وأسرار. Le sens général de ce hadith. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous ordonne de faire le sahur, qui est le fait de manger et boire au moment du sahar. Et le moment du sahar, c'est le moment qui précède al-fajr, l'apparition de l'aube. Ceci afin de se préparer à jeûner. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique la sagesse divine de cela, qui est l'obtention de la bénédiction. Et la bénédiction ici concerne les bienfaits de ce bas monde et de l'au-delà. Parmi la bénédiction du sahur est ce qui est obtenu à travers le sahur comme aide dans l'obéissance à Allah pendant la journée. Car l'affamé et l'assoiffé est pris de fainéantise à l'égard de l'adoration. Ainsi, le fait de faire le sahur permet de diminuer la faim et la soif. La faim et la soif, comme l'a dit Cheikh Al-Bassam, que celui qui a faim et celui qui a soif, eh bien, est pris de lassitude vis-à-vis de l'adoration. Parmi la bénédiction du sahur, que le jeûneur, lorsqu'il fait le sahur, ne se lasse pas à réitérer le jeûne, contrairement à celui qui ne fait pas le sahur. Car celui qui ne fait pas le sahur éprouvera de la gêne, éprouvera de la difficulté qui feront en sorte que jeûner une nouvelle fois sera une chose difficile pour lui. Parmi la bénédiction du sahur, il y a également la récompense qu'obtient le musulman en suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le sahur. Parmi la bénédiction également du sahur est que celui qui fait le sahur se lève vers la fin de la nuit. Il évoque Allah subhanahu wa ta'ala, lui demande le pardon et prie la prière de l'aube en groupe, contrairement à celui qui ne fait pas le sahur. Et ceci est clairement constaté. Le nombre des prières dans la prière du fajr, du sobh, en groupe pendant le ramadan est beaucoup plus nombreux. Les gens qui prient la prière de sobh en groupe pendant le ramadan sont beaucoup plus nombreux que pendant les autres mois. Et ceci grâce au sahur. Parmi la bénédiction du sahur également, que c'est une adoration, que c'est considéré comme une adoration lorsque celui qui fait le sahur le fait dans l'intention de céder du sahur pour adorer ou pour obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam et suivre son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a dans la législation d'Allah de nombreuses sagesses et secrets. ما يؤخذ من الحديث أولا استحباب السحور وامتثال الأمر الشرعي بفعله ثانيا لما يحصل فيه من البركة فلا ينبغي تركه والبركة تحمل على الفعل وعلى المتسحر به ولا يعد هذا من باب حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين وإنما يستفاد من صيغتي الفتح والضم ثالثا ظاهر الأمر الوجوب ولكن ثبوت الوصال عن النبي صلى الله عليه وسلم يصرف الأمر إلى الاستحباب رابعا يرى الصوفية أن مدة تناول السحور كمدة الإفطار وهذا مخل بالحكمة من الصوم وهي كسر شهوتي الطعام والنكاح ولا يمكن ذلك إلا بتقليل الغذاء وأجاب عليهم الآخرون بأن حكمة الصوم ليست منوطة بتقليل الطعام والشراب بل بامتثال أمر الله تعالى. Ce que l'on retient du hadith, premièrement, qu'il est recommandé de faire le sahur. Ceci conformément à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam de le faire. Deuxièmement, car celui qui fait le sahur obtient la bénédiction, il n'est pas convenable de le délaisser. Et la bénédiction citée englobe l'acte et ce avec quoi l'on fait le sahur, c'est-à-dire la nourriture et la boisson. Et cela est déduit du dhamm et du fath, c'est-à-dire le fait que ce terme peut être lu à sahur et à suhur. Donc, la bénédiction englobe à la fois l'acte et ce avec quoi l'on fait le sahur. Troisièmement, ce qui apparaît du hadith de l'ordre et l'obligation. Car le prophète a dit « Tasahharu, faites le sahur ». Et on a vu à plusieurs reprises que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne une chose, cela prouve son obligation jusqu'à ce qu'il y ait une preuve qui vienne appuyer le fait que cet ordre n'est en réalité pas une obligation mais une recommandation. Et ici, Cheikh Al-Bassem dit, mais le fait qu'il est rapporté de façon authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait fait al-wisal. Qu'est-ce que le wisal? Naam. C'est de ne pas rompre le jeûne. De jeûner deux jours consécutifs. De jeûner deux jours consécutifs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de faire al-wisal. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait? Naam? Naam. Car c'est Allah qui le nourrit et qui l'abreuve. Sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait fait al-wisal et donc qu'il n'ait pas fait le sahur prouve que cet ordre dans ce hadith de Anas ibn Malik n'est pas une obligation mais une recommandation. Quatrièmement, les soufis considèrent que le moment du sahur est le même moment que l'iftar, à savoir après le maghrib. À l'iftar, on le fait quand? Après le maghrib. Les soufis considèrent que le moment du sahur n'est pas avant le fajr, mais c'est après le maghrib. Car ils disent que si l'on ne fait pas cela, eh bien l'on contredit la sagesse du jeûne qui est de casser la tentation ou le plaisir de manger et d'avoir des rapports intimes. Et ceci ne peut avoir lieu qu'en diminuant la nourriture. Donc les soufis qui prétendent, selon leur soi-disant ascétisme, que le sahur se fait au moment de l'iftar. Ainsi, ils ne mangent que après le maghrib, puis ils ne mangent plus. En disant que la sagesse du jeûne, c'est justement de diminuer la nourriture. Et le fait de manger après le maghrib, de faire l'iftar, et ensuite de manger avant le fajr, que cela contredit la sagesse du jeûne qui est justement de casser cette envie de manger et d'avoir des rapports intimes. Et les savants ont répondu que la sagesse du jeûne n'est pas liée au fait de diminuer la nourriture ou la boisson, mais la sagesse du jeûne, c'est de mettre en pratique l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de mettre en pratique l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi on jeûne? Car Allah Azza wa Jalla a dit « Kutiba alaykum as-siyam ». Allah a prescrit pour vous le jeûne. C'est ce pourquoi l'on jeûne. Et le jeûne n'est pas donc lié à le fait de diminuer la nourriture ou la boisson, comme ont répondu les savants, rahimahumullah ta'ala. Wa naktafi bihadha al-qadr wa subhanak Allahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.